Chapitre 16 et fin du livre de Jean de Pontevès de Sabran, L'Inde à fond de train. Suez, en quarantaine, balle des pestiférés, nous manquons échouer dans le canal. La Méditerranée est charmante, pas tant que ça. Le détroit de Messine et celui de Bonifacio. Salut France, bonjour Planier, patatras, en re-quarantaine au Frioul. Le drapeau jaune est amené, je suis hussard comme devant. 2 mai, les côtes rocheuses se resserrent toujours davantage. Le ciel devient de plus en plus rouge et la mer de plus en plus bleue. La vigie signale enfin Suez et à 10h30, nous mouillons juste en face des fontaines de Moïse, dont nous apercevons distinctement les bouquets de palmiers aussi étiques que les chameaux qu'ils ont la prétention d'abriter. Le canton a le doigt, ou plutôt le Beaupré sur Suez, mais à grande distance, hélas, car les autorités égyptiennes nous imposent une quarantaine de 24 heures et se font dignement représenter à bord par un diminutif de nuque cacheté de rouge qui doit nous garder à vue. Nous venons de faire 12 jours de traversée sans l'ombre d'une coliquette. Le contrôle médical le reconnaît volontiers. Nous avons même presque tous engraissé depuis Bombay. Bien plus, l'effectif des secondes s'est augmenté d'un petit passager. N'importe, l'hôpital ayant pris depuis longtemps l'habitude de se moquer de la charité, il est tout naturel que le pays le plus contaminé moralement, physiquement et constitutionnellement tienne à maintenir ferme cette inepte tradition. Il ne nous reste donc qu'à céder et à illustrer notre grand mât du ridicule drapeau jaune des pestiférés. On nous jette comme à des chiens notre courrier à l'aide d'une boîte à ordures en fer blanc, emmanchée d'un long bâton. Oh, ce bâton ! Et on consent à recevoir nos lettres dans le même récipient qui est immédiatement désinfecté. De mon côté, pour un empire, je ne toucherai pas au désinfecteur, tellement sa face cadavérique est couverte de boutons. Cet être doit avoir au moins 20 maladies mortelles, sans compter celles qu'il affiche. Pour nous désagacer, nous dansons jusqu'à 1h du matin et nous menons un tapage d'enfer au grand détriment du piano et du préposé à notre garde. Avouez que, pour des colériques, nous allons bien et qu'il vaut mieux être condamné par la santé que par la cour d'assises. 3 mai. Au moment où je monte sur le pont, le soleil écrète de ses flèches d'or les montagnes violacées de la côte d'Arabie et rosit du même coup tout l'Occident. Au fond du golfe, Suez semble une opale. 7 bateaux, un Autrichien, Lloyd, un Allemand et 5 Anglais partagent notre sort, ancrés autour de nous. D'autres entrent processionnellement dans le canal, dans la bouche tentante, bâille tout au loin. D'autres, enfin, apparaissent ou disparaissent vers le sud, tout truités de vapeurs cuivrées. Quelle magique va-et-vient, monsieur de Lesseps a enfanté là d'un coup de sonde. En fait de surprise agréable, on nous annonce que nous ferons 24 heures d'observation de plus afin de compléter exactement les 14 jours, ou mieux, les 366 heures jugées nécessaires par l'épileptique commission sanitaire pour rendre nos prétendus microbes, bacilles et mucors aussi inoffensifs que l'égyptien de garde. Le temps est relativement frais, aussi notre sauterie nocturne atteint-elle le paroxysme de l'animation. Le cerbère Quédival en baille bleue. 4 mai. À 6h du matin, l'homme au fez quitte enfin notre bord. Bon voyage, et nous sommes libres de marcher au canal. Il n'est que temps. Je fais grâce au lecteur de notre navigation à travers sable qu'aucun épisode important ou drôlatique ne vient troubler. Nous couchons dans les grands lacs. 5 mai, reprise de notre marche insipide. Dans l'après-midi, grâce à la maladroite manœuvre d'un cargo-boat allemand qui nous précède, nous manquons échouer. Déjà le ventre du canton monte sur le rebord est du talus et ses masses inclinent lentement à gauche. « Trois tours en avant !» commande le capitaine. Une résistance inquiétante se produit, puis tout cède et nous retombons lourdement dans le canal. Sans cette prompte détermination, nous étions peut-être immobilisés pour un jour ou deux. À 7h30, enfin, nous atteignons Port Saïd comme le transport, la Sarthe, le quitte. Inutile de dire que nous envahissons Beuglant et Roulette, mais plus la ville noire, récemment détruite par un incendie. Oncle ne vit pareil au taux d'affaires d'insectes. Allégé de mes dernières roupies par les soins des croupiers, dignes collaborateurs de la guigne, je remonte à bord et quelques instants après, la terre d'Égypte disparaît dans la nuit, pâlissant déjà devant le crest de Mahomet. Lisez la nouvelle lune. 6 mai. Un bon point, cette fois à la Méditerranée, pour la dignité de sa tenue. Par exemple, je trouve le soleil un peu terne et le temps un peu trop frais. Quant au ciel, il s'est enjolivé de queues de vache. Sacré, évidemment. On n'est pas plus galant pour de vieilles connaissances, retour de l'Inde. Mais attendons la fin, car c'est un signe de vent, dit-on. À partir d'aujourd'hui, les punkas sont mis au clou. Nos Chinois ne s'en plaindront pas. 7 mai, je constate quelques larges déchirures au manteau de neige de la crête. Au soir, bal acharné. 8 mai, à partir du cap Matapan, la mer est un peu houleuse, comme dans la chanson du Vengeur. Cependant, nous jouons au bar une bonne partie de la journée. Vers 5 heures, la houle grossit d'une manière inquiétante, stomacalement parlant. 9 mai. Pendant la nuit, la mer est complètement démontée. Je suis réveillée par un remue-ménage de toutes choses dans ma cabine. Je veux y mettre ordre. Quelle bouillabaisse, bon Dieu! Bientôt, le roulis et le tangage prennent des proportions ridicules. Je suis atrocement malade. D'ailleurs, sur 32 passagers, 5 seulement, y compris mon ami, peuvent déjeuner. Et encore. On me dit qu'un officier et plusieurs matelots ne valent pas mieux que moi. Cela me remet un peu. Vers 3 heures, je me traîne sur le pont où je passe tristement en revue, quoique champagne en main, le champagne m'étant très recommandé, le cap Spartivento, assez insignifiant. La proprette Melito, qui baigne toujours ses pieds blancs dans l'azur des flots, et le télégraphe d'Alarmi, sans compter un pittoresque éparpillement de villages et de bourgades accrochés en billes bonnes au flanc des monts de Calabre. Pendant un instant, le train de Reggio court le long du rivage comme un joujou, semblant lutter de vitesse avec nous. Puis, du côté opposé, se montre la masse montagneuse de la Sicile, dominée par le mont Etna, encore tout emmitouflé de neige. À ce moment, la mer tombe, comme par enchantement, pour me permettre, sans doute, de mieux admirer Reggio. Mon imagination d'ancien cuirassier y voit le massacre d'un casque gigantesque qui aurait pour cimier un menaçant contrefort du mont Alto. Plus le détroit se resserre, plus ses bords deviennent ravissants. La côte italienne, surtout, est merveilleusement belle, avec sa haute couronne murale de rochers, sa verdoyante ceinture de mûriers et sa plage riante, toute festonnée de moussures d'argent. Voici à notre gauche Messine, mirant ses blanches maisons dans les flots à peine ridés de Charybdes. En face, la grappe fleurie de Scylla, étalée sur son antique rocher, tout en guirlandée de pampres et de lierre, et enfin vers le couchant, où notre trirème à vapeur tourne majestueusement sa proue, les noires silhouettes des îles Lipari. À 10 heures, nous passons à quelques encablures d'un gigantesque plum pudding, au-dessus duquel erre comme un feu follet. C'est le Stromboli, très éteint depuis quelques années. Mais assez de bavardage aujourd'hui. Felice notte. 10 mai. La Méditerranée, unie comme un miroir, est d'une couleur émeraude admirable. Jamais l'expression marseillaise « la mare semble d'Oli » ne m'a paru plus exacte. Note, la mer semble être de l'huile. Fin de note. 11 mai. Bien que nous ayons passé vers 3 heures du matin le détroit de Bonifacio, je distingue parfaitement encore au réveil la Corse et la Sardaigne, étendant jusqu'à perte de vue les arêtes neigeuses de leurs montagnes boisées. Je suis d'ailleurs presque le seul à m'occuper de la belle nature. Jamais, en effet, notre pont n'avait été, semblablement, animé d'aussi bonheur. On va, on vient, on monte, on descend. C'est un feu roulant de « mornings » par-ci et de « bonjour » par-là. On se rend des livres prêtés, on échange de petits souvenirs. Tout le monde est du même avis, sauf sur l'heure et sur le point exact où la terre de France se montrera. Aussi, les jumelles, fourbies à fond, sont-elles braquées et rebraquées avec acharnement vers la zone probable de cette apparition. Il est juste de dire que par une délicate attention, le soleil de Provence a revêtu ses plus éclatants rayons pour nous permettre d'apercevoir de loin sa gueuse parfumée. Après maintes fausses découvertes, les îles d'hier nous apparaissent à 4 heures du soir sous la forme d'un léger duvet dont nous distinguons bientôt les formes verdissantes. Le cap Sissier vient ensuite occuper l'objectif de nos lunettes, puis la chaîne de la Sainte-Baume, puis enfin droit à notre beau pré, dans l'occident couperosé où descend le soleil, l'île de mer, saluée au départ. À ce moment, Planier jette vers nous son premier éclair et la nuit se fait. Malheureusement, la lune s'est sans doute attardée à quelque rendez-vous et son confident, le brouillard, s'enfle si bien pour cacher sa faute qu'il serait réellement dangereux de marcher plus en avant. Nous jetons donc l'ancre vis-à-vis du roucasse blanc et nous allons nous coucher en maugréant contre l'inconduite des étoiles en général et contre celle des planètes en particulier. 12 mai. Un grand bruit me réveille. Je mets le nez à mon hublot et je ne vois que rochers nus en fait d'horizon. Où suis-je? Qu'est-ce? Ai-je donc rêvé hier au soir? Tout m'est promptement expliqué. Nous requarantainons, de par la faculté. Il paraît que nous sommes tous tellement malades que nous ne pouvons même pas nous en apercevoir. C'est parfait. Allons, vive le drapeau jaune et en avant les dépêches par fil désinfecté. Après le déjeuner, le directeur de l'asile Paumène Ratonneau, nous ayant accordé l'insigne faveur de faire une promenade de 2 heures, à condition toutefois de ne pas dépasser les limites assignées à notre genre de maladie, nous allons chasser au lézard sur les rochers brûlants et cueillir, non la fraise, mais quelques fleurs, plus parfumées que belles, pour nos aimables compagnes de voyage. Le soir donc, notre festin d'adieu est présidé par un naïf surtout de fleurs sauvages dont les plus fines émaillent bientôt corsages et chevelures. Puis nous ordonnons au champagne d'étouffer sous ses pétillantes cascades toute velléité de regret. 13 mai. Dès 5 heures du matin, le canton, libre enfin, s'ébranle avec le jour pour quitter sa prison. À peine ai-je le temps, en achevant mes paquets, d'entrevoir Marseille enfoui sous un édredon violacé où les coupoles de sa cathédrale mettent leurs taches d'or, que nous sommes définitivement immobiles. Sur le quai des Anglais, mon frère Emmanuel fait les 100 pas en m'attendant. Je suis bientôt à lui. Une heure après, grâce à l'exquise courtoisie de Monsieur Dany, directeur des douanes, qui veut bien adoucir en notre faveur les formalités de la douane, j'ai retrouvé parents, camarades, habitudes, et j'ai repris mon train-train de hussard, ravi d'être allé aux Indes, enchanté d'en être revenu, et tout prêt à repartir vers de nouveaux pays, pourvu que ce soit avec le même ami. Marseille, octobre 1884 et août 1885. Ainsi se termine l'Inde à fond de train de Jean de Pontevès de Sabran.